Ahl al-ilm. Et il a vu leur comportement avec l'ilm. Wallahi, ça le rend triste jiddan. Juhal, wallahi, wa'aduhum, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Ils ne savent pas réciter le Coran convenablement. Et au lieu de prendre du temps pour se corriger, pour s'améliorer, tarahum laylan wa naharan yujadiluna fi hadhihi al-mawaqi'. Nuit et jour. Avec Ahl al-Bida, avec Ahl al-Ahwa, avec le Kuffar, avec le Juhal, entre frères, avec Ahl al-Haq, avec tout le monde. C'est devenu leur principale occupation. Aïna al-Ilm, aïna al-Hifd, aïna manhaj al-Salaf. Il ne faut pas oublier al-Jidal ou al-Khusuma fi al-Din, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a interdit. Qal alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ma dhalla qawmun, ba'd huda kanu alayhi, illa utul jadal. Ma dhalla qawmun, il n'y a pas un peuple, un groupe de personnes, une personne qui s'est égarée alors qu'elle était sur le haq. Illa, la cause, c'est al-Jidal. Beaucoup parler, vouloir avoir le dessus, mélanger, sans délire, s'avancer, ne pas revenir à Ahl al-Ilm. La polémique. Et vous avez tous entendu et vu hada. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul fi al-hadith al-akhar hadith Abi Umama radiyallahu anhu. قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. النبي صلى الله عليه وسلم il a garanti, il a promis un bayt fil jannah, une maison fil jannah pour celui qui délaisse la polémique même s'il a raison. وتأملوا لمن مالك. لمن مالك il avait plus de علم que Abu Juwayriya et il pouvait lui montrer, il pouvait, لكن مذهب السلف, ils savent très bien أن هؤلاء من أهل الأهواء ils veulent pas le haq. Mais il voudrait le haq, le Coran, il est clair. L'Ibn Malik, il fait des dorus au masjid, il n'a plus qu'à venir et à écouter. S'il a une question, il la pose. Amma là, je polémique. Je donne mon avis, tu donnes ton avis. Et ka'annahu, iyadam billah, c'est un match de foot au ghayri dhalik. C'est pas cette din. Cette din, il y a des règles précises. Celui qui ne sait pas, fal yaskut. Wa al-mushkila, anna ba'dahum, il polémique pour soi-disant défendre le haq et défendre Ahl al-Haq, et ils font que salir l'image de Ahl al-Haq. Et le Moussaïba akthar anna ba'dahum, ils ont été conseillés, lil asaf, c'est une maladie. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, an ya'fu anil jami'. Al-Imam al-Awza'i rahmatullah alayhi yaqul, idha arada Allahu bi qawmin sharran, alzamahum al-jadal wa mana'ahum al-amal. Ça c'est alama min alamati al-shar. Al-jidal, la polémique, surtout à notre époque là. Notre époque c'est Aqsa. C'est plus que la polémique dans la rue ou dans un masjid là, c'est la polémique partout là avec ses téléphones et ses réseaux. بعضهم ليل نهار. لكن تأمل قول الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه. إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل. Quand Allah veut égarer واحد, يلزمه الجدل. Il le fait tomber في هذا. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait les causes pour se préserver. Et Allah il est juste. فجدل. Sans ilm, sans revenir à Ahl al-Ilm. Ne crois pas, Akhil Karim, que ton amour du haq et tu veux propager le haq, ça t'autorise à faire tout et n'importe quoi. Là. Et si tu vérifies, est-ce que tous ces jidal, ça a été la cause pour guider ces égarés? Au contraire, ça salit l'image et cet égaré s'entête encore plus. C'est pour ça que l'ulama il délaisse hada. Est-ce que tu as déjà vu un alim min ulama sunna yunaqish dans ses réseaux? L'alim, تستفيد منه خير. Des livres, des audios, des nasa'ih. Si cet ignorant ou cet égaré, il veut le haq, il n'a plus qu'à prendre, il applique. Amma, la polémique, fait le haqiqa, ça vient en général des ignorants. Ils n'ont pas les capacités de faire des doros, d'écrire des livres, de conseiller bi'ilm. Fayoujadilou. Fait le hadar. On fait des efforts fait l'ilm. Celui qui veut le haq, il est wadih. Et on n'est pas responsable de tout le monde, nous. Là, on montre celui qui veut, alhamdoulilah, celui qui ne veut pas. Al-Haqiqa, on n'a pas le temps pour hada. Et celui qui perd du temps, fi hada, comme a dit l'imam al-Awza'i, wa mana'ahum al-amal. Aïna qira'at al-Qur'an, toute la journée sur les réseaux. Aïna salat al-Witr, aïna qiyam al-Layl, aïna salat al-Duha, les rawatib, al-Siyam, al-Amr bil-Ma'ruf, al-Nahi anil-Munkar, prendre soin de ses parents, de ses enfants, avoir un bon comportement, tous ces a'mal, aïna, ou faqat, que cette chose, haqiqa, c'est hal al-du'afa. Amma, celui qui a des forces, il les concentre fil l'ilm. L'ilm, c'est ça qui va te préserver, bi-idhnillahi azza wa jal.